Merci d'écouter les petites histoires. Pour profiter pleinement du podcast, vous pouvez vous abonner. Vous n'aurez plus de publicité et accès à des histoires exclusives. L'abonnement est super simple, sécurisé et sans aucun engagement de durée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur telming.com ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. Les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants, nous allons construire notre dernière histoire avant l'été. Pourquoi ? Parce qu'en juin, avec Cécile et Thomas, on va être très occupés à écrire la saga de l'été. Une grande aventure de 9 épisodes, bourrée d'action, de frissons et de rires. Mais revenons à la fabrication de notre histoire. La semaine dernière, après le second épisode des aventures de Zélie et sa mamie, je vous ai posé des questions. Une fois encore, vous avez été nombreux à voter et vous m'avez épaté avec vos suggestions. Et voici le résultat. Vous avez décidé que la porte de la cave de la maison de mamie devait mener au QG des tricoteuses. QG qui fait face à un très grave danger. Car lorsqu'elles arrivent, Zélie et sa mamie découvrent qu'il s'est transformé en une vraie maison de fous. Parce que toutes les tricoteuses sont devenues zinzin. Les discussions n'ont ni queue ni tête. Les tricoteuses font n'importe quoi avec leurs pelotes de laine. Mais il y a pire. La responsable des gadgets va les attaquer. En joignant leurs forces, Zélie et sa mamie vont la neutraliser. Et découvrir une drôle de piqûre à son cou, toute boursouflée et verdâtre. Pour savoir ce que c'est, elle fonce au laboratoire d'analyse, mais la porte est fermée, et le doudou de Zélie ne peut même pas l'ouvrir, parce qu'elle est recouverte d'un caramel mou qui la bloque. Et là, j'ai deux questions à vous poser pour imaginer la suite de l'histoire. Comment vont-elles entrer dans le laboratoire? Et, d'après vous, qui est derrière tout ça? Pour me le dire, rien de plus simple. Rendez-vous sur telming.com/lph. telming.com/lph. J'espère qu'encore une fois, vous serez nombreux à participer. J'ai trop hâte de lire vos réponses. Je vous embrasse et je vous dis à mardi prochain.